your pain. Pourquoi toutes ces filles me filent? Désir que je les enfile, tranquille. Elle tourne au QG, on fait des tours pour les niquer. Lui c'est dit la toupie et moi c'est dit le tourniquet. Ah, puis sur le 9, ticket gratis pour un 69. Deux balles, deux. En vivant direct pour ta meuf. Voici le MIC du King pour que tu le loges dans tes seufs. Je sors mon chakou, sur le beat je joue les fous. Combien de fous ont essayé de jouer les fous, mais plus fous que nous. Hey, Boudou Dog TMC, dis quelque chose pour ces bouffons de MC. Remarquez l'entrée du cinglé docteur TMC. Qui sacre ma massacre, crève direct, éjecte à travers les orties. Oui, t'as cru t'incruster comme un MCC. J'te dis mec, ne confonds pas City et City. Et ne mêle en aucun cas dans ton hip-hop, ma family, oui. Oh, un rappeur comme un poète propose des choix originaux. Il joue avec la langue, le vocabulaire, avec l'ordre des mots. Arriviste, spécialiste, pompeur, suceur de beat. Méfiez-vous des frappés des fous alliés et de leur lyrics. Un mystère clope présent et le début d'un malheur ou d'un scandale. Prenez garde au diable, le riz du diable. Le G revient tranquille, le G a toujours du style. Le G n'est pas un gangster mais il a la gâchette facile. Que tu sois noir, que tu sois de toutes tes façons tu dois être. Je suis comme je suis donc je suis mes ancêtres. En changeant leurs esprits, je provoque la contagion de mon produit shoot. L'état promoteur de toxicomanie. L'une est légalisée, l'alcool. L'autre est prohibée, la drogue. C'est une méthode novatrice, d'autant que le technicien du kick prend ça, tic, carcinogène et tic. Il faut que tu saches que le rap a une éthique. Respect. Ma voix est douce comme le miel. Je te laisse des séquelles sur ce beat rebelle. Les gueules 1, ouais, 3 fois plus serein. Je suis quelqu'un de ça avec un grain, c'est pas commun. Les parzers avec Wamzer et ton beau terre et capoute. Dans le Niger, SR à SR, c'est où? Regarde, écoute et tais-toi. Watamana, Talan Suzy et Talan Simba. Quand ils font leur boogie boogie, les mappas sur le beat sont highway. Tu kiffes, repieds fume son spiff. D'autres préfèrent la witness. Comme j'ai choisi ce funky beat. Kita, Katuka, Nyama E. Kose Kana ménage à 3T. Tester Schizo, Ernst ou bien Joe. Équivaut à tester Jess au Taekwondo. Mes soldats à Robinson se laissent gang à mi